Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Je suis pas mal content aujourd'hui. Pour une première fois, il y a 15 jours, on a eu Derek au coin comme invité. Mais là maintenant, on va avoir Jérémy Filosa, évidemment, un gars que j'apprécie beaucoup, que j'aime énormément. Il y avait une grosse nouvelle hier chez l'Impact de Montréal, l'Impact qui a congédié Mauro Biello. C'était pas vraiment une surprise, il y avait énormément de rumeurs. Et on a une table ronde. D'abord, on a réuni du 98.5 Jérémy Filosa. Bonjour Jérémy. Salut les gars. Et Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au Saint-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Dan, salut Jérémy. Je vais commencer avec Jérémy. Jérémy, moi je suis déçu de... On savait que Mauro Biello était congédié. À partir du moment où il y a des rumeurs, comment se fait-il qu'on n'a pas congédié puis on n'a pas mis quelqu'un par intérim pour finir les matchs? Tout le monde savait quelque part que Biello ne terminerait pas, ne serait pas de retour. Pourquoi on va faire ça? Moi je trouve qu'on n'a pas été clean avec Mauro Biello. Je ne suis pas si d'accord avec moi. Sais-tu pourquoi, je pense? Ouais. Parce que je pense qu'on n'avait pas personne pour mettre là. Même par intérim? La dernière chose qu'on voulait faire, c'était de remettre Nick DeSantis, qu'on cache de façon absolument incroyable depuis qu'on l'a tassé de son rôle, on s'en souvient, là. On cache Nick DeSantis. D'ailleurs, il n'est pratiquement jamais disponible pour des entrevues. Adam Braz n'a pas les compétences pour coacher une équipe. Les assistants qui sont là, non plus. Il aurait fallu embaucher quelqu'un de l'extérieur pour coacher cette équipe-là pendant quelques semaines. Ouais. Je pense que c'est la raison pourquoi on a décidé de le garder là jusqu'à la toute fin. OK. Benoît, ma première question, tu étais au match dimanche. Patrice Bernier, c'était son dernier match. As-tu pleuré? Parce que tu es un grand fan de Patrice de Bernier. As-tu pleuré lorsque c'était son dernier match? J'ai pas pleuré, mais quand même, je vais te dire, écoute, je te l'avais dit, je l'ai dit à Jérémy, ça a été la raison de notre première discussion ensemble, là, quand je lui ai dit qu'on montait avec 50 jeunes. Écoute, on est arrivé à 2h du matin, là, il y a eu une embouchure à la sortie du stade, 1h. J'ai pas pleuré, mais je vais te dire, écoute, je suis un grand défenseur de Patrice Bernier depuis qu'il est avec l'Impact, depuis 2012, tu sais. Jérémy, on s'est vu un petit peu, tu me dis, t'as une accréditation? Ben oui, j'ai une accréditation avec mon petit site internet. Moi, j'ai développé la culture foot dans mon coin de pays, puis comment je te dirais, la première année que Bernier a reçu son joueur de l'année, j'y étais dans le vestiaire. Éric Forêt de l'Impact m'avait donné une petite accréditation, puis j'avais accès au vestiaire, puis j'avais serré la main à Patrice Bernier, je vais toujours m'en rappeler. Puis quand est venu le moment, Bernier, j'ai pas pleuré, mais quand est venu le moment que Bernier tire son penalty dimanche, j'ai eu une petite émotion, j'ai dit, pas oui. Que tu le mens. Mais... Go, mets-les dedans. J'étais content, c'était un maudit beau moment. Hey, mais sérieusement, on revient sur, parce que c'était une joke en passant, je l'ai fait, Mauro Biello, toi, tu étais surpris également du congédiement de Mauro Biello? Pas vraiment surprenant à partir du moment où ce qu'on l'annonce officiellement, Benoît, ou ce qu'il y avait des rumeurs? Je reviens à ce que tu as dit tantôt. Écoute, tu as dit, il aurait dû, peut-être comme Jérémy a dit, il n'y avait pas personne, mais en même temps, on connaît l'histoire de l'Impact, la famille, toute l'histoire un peu qui rattache tout ça. Moi, je pense que Biello veut pas dans le sport professionnel, c'est les résultats, je pense, qui priment, puis on n'avait pas le choix, je pense, même si c'est le gars de la famille, c'est le gars du club, c'est il y a une histoire aussi derrière Mauro Biello. On a vu Patrice Bernier ses commentaires hier, je pense, qu'il avait déjà joué avec, puis il chantait, il y avait une émotion quand même dans son message. Je pense que l'Impact est rendu là, puis les échelons, on doit aller plus haut. Jérémy, est-ce que Biello, c'est juste de sa faute? Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux arrivés là, avec l'Impact, là, tu sais, soyons honnêtes. Non, clairement. C'est-tu vraiment de sa faute à 100%? Pas d'accord avec ça. Absolument pas. Écoute, il faut comprendre une chose dans cette ligue-là, c'est une ligue qui avance à toutes les années, qui s'améliore. Donc, le statu quo n'est absolument pas une option. Durant l'hiver dernier, mis à part Duval et Lovitz, on n'a pas ajouté grand-chose. On le sait, dans la MLS, les clubs de milieu de peloton comme l'Impact, qui ont des longues saisons l'année précédente, je prends toujours l'exemple de Columbus et de Portland en 2015, ben en 2016, ils n'ont pas fait les séries éliminatoires. Tu peux pas t'attendre, si t'es un club de milieu de peloton, à ce que ton équipe revienne en force l'année suivante. Oui, on a ajouté Blérim Zemaili, mais il est arrivé au mois de mai. On avait quand même joué là une douzaine de matchs avant son arrivée, et il est arrivé ici avec une certaine fatigue. Le gars a joué 23 des 25 derniers mois. On a ajouté Samuel Piette au milieu de la saison, mais c'était trop peu, trop tard. La réalité, là, c'est qu'on a vraiment pas aidé Mauro Biello cette saison. La gestion du plafond salarial, pour moi, elle est erronée. Quand t'as des gars comme Oduro, qui arrivent ici, Bernardello, Donadel, Ontivero, t'as un paquet de gars qui viennent de l'extérieur pour qui ça va coûter plus cher de les déplacer jusqu'ici. 300-400 000 $ sur le plafond, c'est énormément d'argent dans la MLS. Alors que tu peux te trouver des joueurs nord-américains qui vont faire le même travail pour à peu près le quart du salaire. Et ça, c'est la responsabilité de Nick DeSantis et de Adam Brass. C'est pas la responsabilité de Mauro Biello. Puis moi, j'ai trouvé qu'on l'a laissé là, le pauvre. On l'a laissé sécher. C'est pas totalement de sa faute à lui. Puis moi, je pense que c'est juste un move de marketing pour dire, regardez, là, on est proactif, on bouge, on laissera pas les affaires de même. Mais tabarouette de tabarouette, ça fait 5 coachs en 6 ans. Ouais, c'est clair. Demandez-moi quel coach d'envergure regarde ça puis se dit, ben oui, moi, je vais aller coacher là-bas, puis la seconde que ça ira pas bien, ils vont me foutre à la porte. Oui. Là, justement, tu m'ouvres la porte, Jérémy, pour la prochaine question pour Benoît. Benoît, Joey Saputo a mentionné qu'il voulait avoir un entraîneur de première division qui a déjà gagné, qui connaît le tabac, qui connaît les... Et on en a parlé régulièrement, je ne sais pas si c'est avec Jean Gounel, j'en parlais, le marché français, ça, c'est, l'Impact est la seule franchise en Amérique du Nord qui a dans la MLS qui y a un marché francophone. Donc c'est un marché attrayant. Est-ce qu'on devrait peut-être aller du côté des entraîneurs de la Ligue de la France pour première division et payer? C'est comment tu vois ça, toi? La suite des choses? Ben oui, on devrait, mais c'est pas ce qu'il faut non plus. Ouais. Je regardais justement le collègue à Jérémy aujourd'hui à Arcadio, c'est ça. Il a posté après-midi un post qui parlait encore d'entraîneur argentin. Mais écoute, c'est pas compliqué, Danny. Là, présentement, c'est l'Argentine et l'Italie qui sont les fers de lance de l'Impact. Oui, on l'a renseignement par la bande. Zemaili, ben ça vient de Bologne. C'est encore une question. Comment ça se fait que Zemaili a quand même... Il a sûrement trouvé le projet intéressant de s'en venir à Montréal parce qu'il était à Bologne. Il me semble qu'il aurait pu continuer à jouer en Serie A quand même encore. Maintenant, au niveau du côté français, oui, on a Camara qui est là, mais Camara, c'est pas signé. C'est pas sûr qu'il va revenir non plus. Il y a plein de joueurs qui sont encore en questionnement. Mais... les deux noms qui ont sorti, on a parlé de Sansini et puis Gabriel N. C'est deux noms internationaux et ça semble, je ne sais pas si c'est sérieux, c'est une rumeur qui a été sortie aujourd'hui. OK. Ben, Jérémy, comment tu vois ça, toi, la suite des choses aussi? Est-ce que la Ligue française, parce que le marché français, il n'est pas exploité là, par l'Impact. C'est un marché, il y a des milliers de joueurs francophones, des dizaines de pays qui jouent le foot en Afrique, également en France, en Europe. C'est un marché vraiment qui n'est pas exploité par l'Impact. On dirait que l'Impact avait des meilleurs tentacules à ce niveau-là à l'époque de la NASL. Ouais. Tu avais amené des gars comme Philippe Billy, tu avais amené Assun Camara. Mais depuis, on dirait, il y avait Jacques Viel aussi qui venait de la France. Là, on dirait depuis une couple d'années, on regarde moins vers ce marché-là. Tu sais, moi, je mets énormément de blâme sur les épaules de Joey Saputo à ce niveau-là parce que ton club de dépistage, là, c'est un gars. Mm. C'est Nick DeSantis. Ça n'a pas de bon sens. Il y a des clubs de la Ligue nationale de hockey qui n'ont qu'à à dépister dans peut-être une dizaine de pays au monde. On 20-25 dépisteurs à leur embauche. Et l'Impact de Montréal, qui normalement est supposé surveiller la planète au complet parce qu'on joue au soccer partout, il y a un gars. Tu sais, ça tient pas debout. En même temps, je peux pas blâmer Nick non plus. Il peut pas avoir les yeux partout tout le temps. Ça prendrait vraiment une équipe de dépisteurs. Ouais. T'as raison de le mentionner. C'est un marché francophone ici. Je te dois, et ça, je pense qu'ils ont fait une bonne job quand même, normalement, d'amener beaucoup de joueurs qui parlaient français. Un entraîneur qui parlait français, c'est un must. Si tu veux avoir l'attention des médias, tu n'as aucun choix de regarder vers cette aventure-là. Puis je sais que le collègue Patrick Leduc a aussi sorti un nom. C'était un Français, si je me souviens. Ouais, okay. Hier, là, c'est un ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais. Donc, sait-on jamais, on se croise les doigts. Okay. Peut-être que ce sera un Français qui sera nommé. Puis moi, je pense que l'annonce va se faire très rapidement. Okay. Dans les deux, trois prochaines semaines. Jérémy, je sais que tu entres au 98.5. Benoît, après ça, je veux te parler de quelque chose, Jérémy. Benoît, Jérémy Saputo, prends-tu trop de place à l'Impact? Je sais que c'est le propriétaire, je sais que c'est lui qui signe les chèques, mais par contre, il y a des propriétaires, des fois, qu'il serait mieux de se tasser et laisser la place à des gens qui connaissent le soccer. Hier, ce qu'on a vu, c'est que Saputo, maintenant, c'est lui qui menait la barque. Là. Est-ce que Saputo prend trop de place, même si c'est comprenable à quelque part? Oui, mais c'est comme tu viens de le dire, c'est comprenable. Il l'a mentionné, c'est son bébé, l'Impact de Montréal. Écoute, ouais. C'est lui, c'est l'homme sort de ce club, l'homme de ce club-là. C'est sûr qu'il manque peut-être de gens de staff alentour de lui, encore ouais. Plus connaisseurs au niveau football international. Mais je pense que on garde le côté italien, le côté famille, c'est très fermé. On veut pas trop ouvrir, puis. Probablement que ça va arriver, mais encore là, tantôt tu dis, c'est lui qui menait la conférence de presse hier, mais encore là, Patrice Bernier a été fêté dimanche, on n'aurait peut-être pas pu surfer un peu sur ces quelques ouais, minutes un peu pour ouais, Patrice ouais, Bernier, ouais. Parler, ouvrir les lignes ouvertes, jaser de Patrice Bernier deux ou trois jours, tout ce qu'il y a. C'est sûr qu'il n'y a pas eu de championnat, il n'y a pas eu de coupe maintenant. Est-ce que la fête aussi, je vais te rappeler, ben, ça a plutôt un lien là-dedans, est-ce que la fête à Patrice Bernier dimanche, où il a fait le tour de terrain, il a salué, ses parents étaient là, est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, je me pose la question. Okay. C'est quand même, selon moi, en tout cas du Lac-Saint-Jean, le plus grand joueur de l'histoire québécois. Jérémy, j'ai une dernière question que je veux te parler puisque je vais te laisser aller, parce que je sais que tu es au 98.5. Je t'ai entendu plusieurs fois. Je sais que tu fais une émission jeudi avec Arcadio en podcast. Moi, je t'ai écouté tous les jeudis. Puis tu disais, je comprends pas que l'Impact est pas capable de remplir le stade Saputo avec 16 matchs locaux au prix des billets aussi bas. Je m'attendais à une explication. Veux-tu choisir de faire l'Impact se fout des régions? L'Impact, c'est compliqué, les régions, c'est difficile, ils développent pas les régions, puis ils sont pas plus intéressés que ce qu'il faut à développer. Je vais te dire, le Journal de Québec, qui est le panel du Journal de Montréal, souvent ils ne parlent même pas de l'Impact. Je peux te donner une idée comment que... Écoute, je vais les défendre un peu à ce niveau-là. Je pense que les 5 premières années, c'était clair qu'ils se sont concentrés sur le marché montréalais. Ouais. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans nos meetings avec l'Impact, par exemple, lorsqu'on a signé l'entente de diffusion des matchs pour cette année, ils ont clairement spécifié qu'ils voulaient que l'Impact soit diffusé partout au Québec. Et nous, cette année, plus ouais. que jamais, on a eu des matchs qui ont été diffusés à Sherbrooke, à Gatineau, à Trois-Rivières. Malheureusement, notre station sœur à Québec nous dit qu'elle n'a pas d'intérêt pour cela. Ouais. On peut pas les forcer non plus. Donc, on a placé ça sur le plus de stations possibles au Québec. En même temps, on a quand même certaines limites, mais je peux vous garantir que dans le plan de l'équipe, c'est de commencer vraiment à exploiter les régions à partir de maintenant. Parce que vous avez raison, c'est le marché québécois au complet et le leur. Je pense qu'ils voulaient s'assurer d'aller chercher le marché montréalais, peut-être à prime abord, mais c'est définitivement dans leurs intentions de rendre ce club-là populaire partout au Québec, pas seulement à Montréal. Ceci dit, comme j'ai dit, je pense que pour eux, ils voulaient pas trop prendre une trop grosse bouchée avant d'être capable de savoir s'ils étaient capables de l'avaler comme il faut. Donc, je pense que là, oui, ils vont s'emballer là-dedans. Mais en même temps, tu sais, ils ont mis leur VP marketing à la porte au mois de juin dernier. Ils n'ont jamais remplacé. Tu peux pas mettre ton VP marketing dehors puis tu le remplaces pas, là, ça n'a pas de bon sens. Jérémy, j'ai plus de codes d'écoute parce que quand j'ai trouvé un joueur des Saguenay-Chicoutimi qu'un joueur de l'Impact. Pour te donner une idée. Puis deuxièmement, moi, c'est sûr que c'est pas la même entre-saison, mais j'ai déjà vu t'aimes autant le baseball que le soccer. J'ai déjà vu la caravane des Expos à Chibougamau. Oui, il y a longtemps de ça. Ouais. À ce niveau-là, à la fin, là, il est fort, là. Non, mais je veux dire, c'est quelque chose à développer peut-être de ce côté-là. Peut-être pas une fois toutes les années, mais une fois par 2 ans, 3 ans, mais tu sais, faire le tour des régions. Définitivement. Ouais, définitivement que ça devrait être dans les plans. Puis tu sais, vous quoi? Il y a des régions où on joue énormément oui. au soccer. Ouais. Les enfants jouent, donc si on est capable d'attirer les enfants vont forcer les parents à venir. Et tu sais, ça va faire effet boule de neige là-dedans. Mais il faut pas oublier quand même l'impact là, au moment où on se parle. C'est quand même une petite opération. Ouais. Ils ont pas énormément d'employés. Tu sais, quand je te dis qu'au niveau du recrutement, tu sais, ils devraient embaucher au moins une vingtaine de personnes de plus. Ben c'est ça. T'sais, ils sont peut-être pas encore rendus là complètement. Mais t'as raison de le dire que probablement qu'ils s'assureraient d'avoir plus de monde dans le stade. Joey Saputo en a parlé hier. Ça va être une sixième année déficitaire pour l'Impact cette année, malgré le fait qu'il y avait quand même en moyenne plus de 20 000 personnes. Ouais, ouais. Avec un billet pas disponible. Jérémy, je te laisse parce que je sais que tu es entre deux émissions 98.5. On se laisse, puis je te félicite encore pour ton travail. Puis j'invite les gens à aller sur le site Punching Grace pour écouter l'émission Les Columnistes. C'est très, très intéressant avec mon chum Fred Begg, puis toi, puis Tony Marinaro de TSN Radio et également Frédéric Jonathan Gay. Fait que, puis encore une fois, félicitations pour ton travail. Merci. Salut, beaucoup, les gars. Voilà, Jérémy Filosa et Benoît Lavoie.